Neuvième chapitre. Les écoles, les élèves. Paul est élève de Rembrandt, Henri est élève de Paul, Bona est élève de Henri, voir la suite. Une caricature de Daumier, en plein air s'alignent quelques peintres. Le premier copie la nature, le deuxième copie, le troisième copie le deuxième, voir la suite. Un décalque du décalque, et l'on signe. La nature est moins indulgente. Après le mulet, il n'y a plus rien. Paul meurt de faim avec des économies. Son frère Henri meurt d'indigestion sans économie. Quel est le plus sage? Jean qui pleure, Jean qui rit. Lui et elle s'aimaient d'amour tendre, et cela dura autant que possible, jusqu'au jour où l'amant moins naïf, lassé, la passion refroidie, s'aperçut que l'amante n'était peut-être qu'une affreuse goule. Les goules n'aiment pas qu'on les lâche. Lui, l'abbé Combes, s'avisa un beau jour, obéissant à la volonté du peuple, de signifier à son ancienne amante quelques détails de cette volonté. De nombreux souteneurs, têtus comme des bretons, préposés à la garde de la belle, défendirent leur marmite, reconnaissance du ventre, assurément. Ils se chargèrent de la vidange et toutes les matières fécales des sœurs inondèrent avec tout leur parfum les envoyés de l'abbé Combes. Chassez les ordures et elles reviennent au galop. Ce fut désolant et dans toute la contrée on pleura, on injuria. La Bretagne, la Vendée allaient se soulever. Ce ne serait plus le pot de chambre, mais le canon. Hélas, trois fois hélas, non bis in idem. Pourtant, il ne faudrait pas s'y fier. L'armée, la conscience chrétienne. Tu as voulu faire ton malin avec ton ancienne amante, la goule que tu aimais tant. Vois maintenant, il ne s'en est fallu que d'un cheveu. Tu ne savais pas que dans l'armée, il y a plusieurs genres de conscience. Une conscience qui permet, ordonne même, de tuer sans pitié des hommes, des femmes sans défense, des enfants même, quand ils sont communards. Et une autre conscience qui défend d'arrêter des souteneurs qui vident les pots de chambre sur la tête des gendarmes. Tous prêts à partir en Chine massacrer les Chinois qui ne veulent pas se laisser faire par les chrétiens. Cette bonne France, si généreuse et si chevaleresque, toujours prête à partir en guerre pour faciliter aux Anglais la vente de l'opium, repartir en guerre pour la vente de l'Ancien et Nouveau Testament. Et le pape, qui n'a plus que cette stupide France pour soutenir ses missions, ne veut pas se fâcher. Et il dit « Nous pourrions demander le divorce, mais par principe, nos principes ne nous y autorisent pas. » Nous ne reconnaissons pas le divorce. Et la goule reste toujours la goule. C'est un malin, notre Saint-Père, le petit Léon, c'est même le seul. À tous ceux qui lui demandent de faire des concessions, de se mettre dans le train, il répond invariablement « Des concessions ? Mais c'est notre mort, il nous faut le temps de sauver la caisse. » Et pour gagner du temps, il invente quelques dogmes. Le sensuaire photographe qui, trempé dans l'eau de Lourdes, donne des centaines d'exemplaires, par radiation sans doute, comme le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. On s'attend prochainement à une grande souscription aux marquises pour posséder un de ces extraordinaires exemplaires. Les piastres vont ronfler. Les indigènes, qui me prennent pour un savant, viennent tous les jours me demander des renseignements. Que leur répondre? Il me faudrait reprendre des études complètes de chimie cléricale et à mon âge, je n'en ai pas la force. Et je leur réponds, demandez cela au brigadier, c'est lui le chef. Encore un qui en a une conscience, comme de la gomme élastique. Faut voir comme il est beau quand il dit « mon devoir » et son importance quand il dit « mon cher, je viens de coucher avec une vierge ». Il est vrai que le mois suivant, à l'hôpital, le major dit « Qu'est-ce que c'est que ça ? Donnez-lui du protoiodure de mercure, de ces petites vierges comme les pins pissarro qui vendent du poison. Vous allez dire, lecteur parisien, que je vous monte un bateau avec les gendarmes. Venez aux colonies, surtout aux marquises, et vous verrez si c'est un bateau. Vous ferez mieux, si vous êtes influent, d'en dire quelques mots au ministre. Je n'ai d'ailleurs pas fini, et je vous en reparlerai encore quelquefois. J'ai oublié tout à l'heure, vous parlant de mon enfance à Lima, de vous raconter quelque chose qui a trait à l'orgueil espagnol. Cela peut vous intéresser. Il y avait autrefois à Lima un cimetière genre indien, des casiers et des cercueils dans ces casiers, inscriptions de toutes sortes. Un industriel français, Monsieur Maury, eut l'idée d'aller trouver les familles riches et de leur proposer des tombeaux de marbre sculpté. Cela réussit à merveille. Un tel était général, un autre un grand capitaine, etc. Tous des héros. Ils s'étaient munis pour cela d'un certain nombre de photographies d'après des monuments sculptés en Italie. Il eut un succès fou. Pendant quelques années, de nombreux navires arrivaient remplis de marbre sculpté en Italie à très bon marché et qui faisaient beaucoup d'effets. Si vous allez maintenant à Lima, vous verrez un cimetière comme il n'y en a pas deux, et vous apprendrez tout ce qu'il y a d'héroïsme dans ce pays. Le père Maury fit avec cela une très grosse fortune. Son histoire, quoique très simple, mérite d'être racontée. Une très grosse maison de Bordeaux eut un jour une très grosse affaire qu'elle considérait comme perdue. Dans cette maison, il y avait un tout jeune employé, le jeune Maury, qui avait été remarqué comme un garçon d'une grande intelligence. Elle envoya à Lima ce jeune homme avec tout pouvoir pour rentrer dans les créances et lui fit à cet effet un engagement avec un tant pour cent sur les rentrées qui, à son idée, ne seraient jamais très importantes. Elle se trompait, car le jeune Maury s'y prit si bien qu'il sauva presque tout. Il se trouva dès lors à la tête d'un très joli capital, au courant des affaires à Lima, et ne demanda qu'à rester. Il commença à installer un hôtel convenable, puis deux, puis plusieurs autres. C'est lui qui commanda sur mesure un dôme en bois sculpté pour l'église, avec pièces qui n'avaient plus qu'à être remontées sur l'ancien dôme. Ma mère, qui avait appris en pension le dessin, fit à la plume un dessin admirable, c'est-à-dire atroce, de cette église avec son jardin entouré de grilles. Enfant, je trouvais ce dessin très joli, puis c'était de ma mère, vous me comprendrez sûrement. J'ai revu à Paris ce tout vieux père Maury entouré de ses deux nièces, ses uniques héritières. Il possédait une très belle collection de vases, céramiques des Incas, et beaucoup de bijoux en or sans alliage faits par les Indiens. Qu'est-ce que tout cela est devenu? Ma mère aussi avait conservé quelques vases péruviens et surtout pas mal de figurines en argent massif, telles qu'il sort de la mine. Le tout a disparu dans l'incendie de Saint-Cloud, allumé par les Prussiens. Une bibliothèque assez importante, et dans tout cela presque tous nos papiers de famille. À propos de papiers de famille, lorsque je me suis mariée, on me demanda à la mairie les actes mortuaires de mes parents. Je ne possédais que celui de ma mère, significatif cependant, puisqu'il était dit Madame Veuve Gauguin. L'employé prétendait que je ne pouvais me marier sans avoir l'acte de décès de mon père. Mais puisque ma mère était veuve Gauguin, cela ne prouve-t-il pas que mon père était mort? Rien de plus têtu qu'un employé de mairie. Heureusement que le maire était un homme intelligent et tout fut arrangé. À la naissance de mon fils, j'allais aussi à la mairie déclarer cette naissance. Lorsque je dictais à l'employé un garçon du nom de Émile sans E, Il écrivit Émile sans Z. Émile, le prénom, sans Z, Sanze. Ce fut un quart d'heure inénarrable pour rétablir l'orthographe. J'étais un farceur qui se moquait des employés, etc. Un peu plus, j'aurais eu une contravention. Comme on le voit, jamais je n'ai été sérieux, et ne vous offensez pas de mon style badin. La vieille Mo, sans préambule, est venue s'installer chez moi. Ayant chaud, elle quitte sa chemise. Elle est très maigre, et vous savez que j'aime les femmes grosses. La peau est nacrée, pensez donc, elle a eu 11 maternités. À part cela, elle serait mieux si on la passait tout entière à la chaux. Elle a bien eu 11 enfants, mais si vous lui demandez combien de pères, elle est très étonnée. Elle compte sur ses doigts, encore sur ses doigts, bien longtemps, mais arrivée au chiffre de 100, elle perd la mémoire. Elle possède quelques terres, et chaque jour, à ce qu'elle dit, il se présente un mari pour de vrai, mais elle a l'œil à ce qu'elle dit. Qu'importe, elle se couche et offre comme la plus belle fille du monde ce qu'elle a. Rien de plus, rien de moins. Mais je n'aime pas les femmes maigres. Pour lors, j'ai mal à la tête. Cela va être la rougeole. La conversation cesse et elle s'endort. J'ose alors la regarder. Décidément, il faudrait la blanchir à la chaux. Plusieurs nuits, elle revient. J'ai toujours la rougeole quand elle vient. Ma chasteté en dépend. Et puis, je n'ai plus de feu. Enfin, elle ne revient plus. Et comme on lui en demande la cause, elle dit qu'elle ne peut pas résister, tellement c'est fatigant. Montrant tous les doigts, elle dit: Oui, comme ça, toutes les nuits. Voilà comment se font les mauvaises réputations. Ne vous y trompez pas. Il y a eu un temps où seuls les tableaux que j'avais donnés pouvaient se vendre. Un bon petit jeune homme à qui j'en avais donné 30, après les avoir copiés et étudiés, s'est empressé de les vendre à la maison Vollard. Il est vrai que pour s'excuser, il a publié que c'était moi qui lui avais volé toutes ses recherches. Excellent jeune homme, ne donnez jamais vos tableaux, sinon à votre cuisinière. Van Gogh avait aussi cette manie. Qui ne se rappelle ce café bousin tenu par l'ancien modèle, la Cicatore, une Italienne. Vincent décora gratis entièrement ce café, le tambourin. Il me raconta pendant son séjour à Arles une histoire assez curieuse à ce sujet, histoire dont je n'ai jamais su le fin mot. Très amoureux de la Cicatore et toujours belle malgré son âge, il aurait eu de sa part pas mal de confidences à propos de Pausini. La Cicatore avait avec elle pour tenir son café un mâle. Dans ce café se réunissait un tas de gens tout à fait louches. Le patron eut vent de toutes ces confidences faites par cette femme, et un beau jour, sans rime ni raison, il jeta à la figure de Vincent un boc qui lui fendit la joue. Vincent, tout ensanglanté, fut jeté hors du café. Un sergent de ville passait à ce moment et lui dit sévèrement: Circulez. D'après Van Gogh, toute l'affaire Pausini, comme beaucoup d'autres, aurait été mûrie en cet endroit de connivence avec Cicatore et l'amant. Il est à remarquer que presque tous ces établissements sont au mieux avec la police. De cette affaire Pausini, une autre affaire en découle, toujours conçue à ce fameux café d'après Vincent, c'est l'affaire Prado, cet homme qui, pour la voler, assassina une courtisane, puis la bonne, puis la petite fille qui l'aurait violée. Ce n'est que bien plus tard que la police, fatiguée des cris de la presse, trouva un soi-disant assassin qui se trouvait réfugié à la Havane. Il fut presque impossible de découvrir le vrai nom de cet homme extraordinaire. On trouva une femme qui déposa contre lui tout ce que la police voulut lui faire déposer, et cependant elle fut considérée comme complice. Personne n'y comprit rien, ni la presse, ni la justice, ni l'assassin qui s'écriait: Je suis, c'est vrai, un bandit, et j'ai tué auparavant, mais je ne suis pas coupable de ce crime. Cette affaire, en ce cas, rappellerait l'affaire ténébreuse de Balzac. Qu'importe, il fallait que la police ait le dernier mot. Cet homme fut condamné à mort. Moi et un ami nous fûmes prévenus par dépêche adressée au café de la Nouvelle-Athènes par un capitaine de la garde municipale. À 2 h 30 du matin, nous étions place de la Roquette à attendre l'exécution, battre la semelle, car il faisait un grand froid cette nuit très sombre. Tout au plus pour tuer le temps, l'arrivée de la machine et son montage. Il ne fallait pas songer un instant à entrer dans la petite enceinte réservée à qui se trouvait à côté de la machine, car elle était déjà pleine de gens qui, sans bouger, pressés les uns sur les autres, étaient là à attendre le matin. Enfin, le moment était proche. Les quelques lueurs qui annoncent le lever du soleil me permirent d'entrevoir l'aspect de la place. Un grand demi-cercle autour de la guillotine, des troupes, la police. D'un côté, la voiture de la guillotine et le fourgon aux cadavres. De l'autre, la place réservée. Devant la guillotine, au centre, 5 gendarmes à cheval. Et soudainement, la police, brutalement, se mit à nous pousser, nous, promeneurs, vers l'extrémité du cercle. Impossible de voir où, si peu. Les portes de la prison s'ouvrirent et l'escorte se mit en marche. Les gendarmes avaient tiré leurs sabres et un silence extraordinaire se fit immédiatement, comme un mot d'ordre. Beaucoup enlevèrent leurs chapeaux. Seul, en habit noir, la police de sûreté, le bourreau. En blouse bleue, les aides-bourreaux. Je voulais voir, cependant, et quand je veux, je suis très obstiné. Je traversai au galop la place et je vins, troublant le respect du moment, au centre, me fourrer entre 2 bottes de gendarmes. Personne n'osa bouger. Je vis alors l'escorte s'avançant péniblement et entre 2 poteaux de la guillotine, une tête abominable, inclinée, désolée, comme affolée par la terreur. Je me trompais, c'était l'aumônier. Quel extraordinaire acteur, celui qui contrefait ainsi les assassins, la douleur. L'assassin, tout petit, mais de forte encolure, avait une belle tête non résignée, et malgré toute la mauvaise apparence de ses cheveux coupés ras et de sa grossière chemise de toile, il était convenable. La planchette bascula si bien qu'au lieu du cou, ce fut le nez qui porta. De douleur, l'homme fit des efforts, et brutalement 2 blouses bleues pesèrent sur ses épaules, ramenant le cou à la place désignée. Ce fut une longue minute, et enfin le couteau fit son devoir. Je fis mes efforts pour voir sortir la tête de sa boîte. 3 fois je fus repoussé. On allait à quelques mètres chercher de l'eau dans un seau pour inonder la tête. On se demanda pourquoi, juste au-dessous de la boîte, il n'y aurait pas un robinet tout préparé à cet effet. Je me suis demandé pourquoi on ne prenait pas la mesure du prisonnier de façon que la planchette, au moyen d'un pas de vis, puisse être juste à la distance voulue de l'échancrure qui reçoit le coup du supplicié. Voilà donc ce fameux spectacle qui donne satisfaction à la société. Dehors, on entendait des cris: Vive Prado! À Berbère, la frontière, sur la plage, je dessine. Un gendarme du midi qui me soupçonne d'être un espion me dit à moi qui suis d'Orléans: Vous êtes français? Mais certainement. C'est drôle, vous n'avez pas l'accent français. Raphaël est élève de Pérugin, Bouguereau aussi, et Bouguereau s'écrie: Devant la nature, je ne vois que la couleur. Raphaël ne met pas les valeurs. Dans ses tableaux, ça ne s'éloigne pas. Juge un peu s'il connaissait les valeurs. Dans une exposition sur le boulevard des Italiens, je vis une étrange tête. Je ne sais pourquoi en moi il se passait quelque chose et pourquoi, devant une peinture, j'entendis d'étranges mélodies. Une tête de docteur très pâle dont les yeux ne vous fixent pas, ne regardent pas, mais écoutent. Je lus au catalogue Wagner par Renoir. Ceci se passe de commentaires. Il y en a qui disent « Rembrandt et Michel-Ange sont grossiers, j'aime mieux Chaplin ». Une très vilaine femme me dit « Je n'aime pas Degas parce qu'il peint des femmes laides ». Puis elle ajoute « Avez-vous vu mon portrait au salon par Gervex ?» L'habillé de Carolus Duran est cochon, le nu de Degas est chaste. Mais elles se lavent dans des tubs, c'est justement pour cela qu'elles sont propres. Mais on voit le bidet, le cliso, la cuvette, c'est tout comme chez nous. La critique déshabille, mais c'est tout autrement. Un critique chez moi voit les peintures, et la poitrine oppressée me demande mes dessins. Mes dessins? Que nenni, ce sont mes lettres, mes secrets. L'homme public, l'homme intime. Vous voulez savoir qui je suis? Mes œuvres ne vous suffisent-elles pas? Même en ce moment où j'écris, je ne montre que ce que je veux bien montrer. Mais vous me voyez souvent tout nu. Ce n'est pas une raison, c'est le dedans qu'il faut voir. Au surplus, moi-même, je ne me vois pas toujours très bien. Le dessin, qu'est-ce que c'est cela? Ne vous attendez pas de ma part à un cours à ce sujet. Le critique veut dire probablement un tas de choses sur papier avec du crayon, pensant sans doute que c'est encore là où l'on reconnaît si un homme sait dessiner. Savoir dessiner, ce n'est pas dessiner bien. Se doute-t-il, ce critique, cet homme compétent, que décalquer le contour d'une figure peinte donne un dessin d'aspect tout autre? Dans le portrait du voyageur de Rembrandt, Galerie Lacaze, la tête est carrée. Prenez-en le contour et vous verrez que la tête est deux fois plus haute qu'elle n'est large. Je me souviens du temps où le public jugeant le dessin des cartons Puvis de Chavannes, tout en accordant à Puvis de grands dons de composition, affirmait que Puvis de Chavannes ne savait pas dessiner. Et ce fut un étonnement quand un beau jour il fit chez Durand-Ruel une exposition exclusivement de dessins-études au crayon noir, à la sanguine. « Tiens, tiens, se dit ce charmant public, mais Puvis sait dessiner comme tout le monde. Il connaît l'anatomie, les proportions, etc. Mais alors, pourquoi sur ces tableaux ne sait-il pas dessiner ?» Dans une foule, il y a toujours un plus malin que les autres, et ce malin dit « Vous ne voyez pas que Puvis se fout de vous ?» Encore un qui veut faire son original et ne pas faire comme tout le monde. Mon Dieu, qu'allons-nous devenir? C'est probablement ce qu'a voulu comprendre ce critique qui me demandait mes dessins, se disant « Voyons un peu s'il sait dessiner. » Qu'il se rassure, je vais le renseigner. Je n'ai jamais su faire un dessin proprement, manier un tortillon et une boulette de pain. Il me semble qu'il manque toujours quelque chose, la couleur. Devant moi une figure de Tahitienne, le papier blanc me gêne. Carolus Duran se plaint des impressionnistes, de leur palette surtout. C'est si simple, dit-il, voyez Velasquez, un blanc, un noir. Si simple que cela, les blancs et les noirs de Velasquez. J'aime à entendre ces gens-là, ces jours terribles où l'on se croit bon à rien, où l'on jette ses pinceaux. On se souvient d'eux et l'espoir renaît. Les vrais ambassadeurs sont ceux qui n'ont pas trop confiance dans leur intelligence, répondent évasivement, s'habillent et reçoivent très bien. Au musée du Louvre, les conservateurs semblent aussi être dans le même cas. Cependant, cependant, ne pourrait-on pas trouver mieux? Je vous parle beaucoup d'un tas de choses, malgré ma promesse de vous parler des marquises. Ce serait de la traîtrise, vous alléchant par un titre pompeux en espoir d'un tout autre, chose qu'à Paris, mais qu'on m'excuse moi-même y ayant été pincé. J'y suis, avalons la pilule. En revanche, mon pinceau peut se rattraper. Il y a bien de superbes montagnes que je pourrais vous décrire plus ou moins mensongèrement, mais il me faudrait le talent descriptif avec un tas d'adjectifs que je ne connais pas et qui sont si familiers à Pierre Loti. Bien des choses étranges et pittoresques ont existé autrefois, mais aujourd'hui il n'y a plus de traces, tout a disparu. La race disparaît chaque jour, disséminée par les maladies européennes, jusqu'à la rougeole qui a atteint les grandes personnes. Les tracasseries de l'administration, l'irrégularité des courriers, les charges d'argent qui écrasent la colonie rendent tout commerce impossible. Par suite, les commerçants font leur mal. Rien à dire si ce n'est parler des femmes et coucher avec. Pas mûre, presque mûre, tout à fait mûre. C'est tellement de la prostitution que cela n'en est pas. Nous le disons, mais eux, ils ne le pensent pas. Or, on ne connaît qu'une chose que par le contraire, et le contraire n'existe pas. Un drôle de juge aux marquises. Une jeune fille vient se plaindre que 12 mâles venaient de la violer, sans la payer. « C'est affreux !» s'écria le juge, et de suite il fut le 13e, mais il paya. « Tu comprends, ma petite, maintenant je ne peux juger cette affaire-là. » Ce même juge, le gendarme était absent, reçut une jeune fille, une enfant pour mieux dire, qui venait réclamer son bulletin de sortie de l'école, ce qui veut dire « bonne à ». Mon juge lui dit « c'est bien, donne-moi l'étrenne », et il dépuce-la. Maintenant la carte était signée. Maints détails croustillants quelquefois suffiront à vous faire connaître les marquises, beaucoup mieux que les voyageurs. Les voyageurs aujourd'hui voient si peu. En ce moment, l'île de Tazata a été ravagée par un raz de marée épouvantable qui a soulevé des blocs énormes de corail et beaucoup de coquillages pour les collectionneurs. Avec le corail, on fera de la chaux. Les baleiniers, qui sont de fins marins, voyant leur baromètre faire des farces, ont prévu l'accident et sont partis, non sans laisser aux gendarmes de très jolis cadeaux. Des pots de vin, fi donc, des cadeaux avec facture. Que voulez-vous, ont dit les capitaines, la contrebande doit être toujours bien avec les gendarmes. Ceci se passe encore de commentaires. La pire des souffrances, c'est la dernière. Après le café au lait du matin, dans le temple, les sexes rapprochés la nuit se séparent. Formalité nécessaire pour permettre à l'âme de secouer la matière qui la subjugue. Après le bidet, le bénitier. Le corps et l'âme sont nettoyés. On prie. Seigneur, donnez-nous le pain quotidien. Business is business. Chez le crémier, je mange une crépinette au chou. Mon voisin, un Anglais, me demande comment ça s'appelle. Et moi, qu'est-ce que tu dis? Le garçon passe et le jeune homme demande un « qu'est-ce que tu dis ?» Je ne me savais pas si farceur. Il ne s'agit plus de peinture, ni même de littérature. Il s'agit d'armes. C'est qu'en ce moment, nous avons ici un gendarme. Vous savez, il sort de Joinville-le-Pont. C'est un gaillard terrible. Joinville est en quelque sorte le prix de Rome des exercices physiques. Il y a beaucoup à en prendre et en laisser. Pour mon compte personnel, je laisserai. Les maîtres d'armes brevetés de Joinville-le-Pont sont en général des gaillards très exercés, exercés à coups de trique, très forts, assurément, mais acrobates, et font en général de très mauvais élèves. On dit « Ayez une bonne main, vous toucherez quelquefois. Ayez une bonne main et de bonnes jambes, vous toucherez souvent. Ajoutez-y une bonne tête et vous toucherez toujours. Une bonne tête. » C'est ce qu'à Joinville on ne donne pas. Là, on professe sans discernement. Le jeu de fleuret consiste à se servir de deux mouvements. Les quelques autres en découlent ou sont du supplément. Un mouvement de va-et-vient et un mouvement tournant à l'attaque. Il se nomme 1, 2, 3 et doublé à la défense, opposition et contre. Quoique très simple, ces mouvements donnent lieu à énormément de combinaisons. Qui les comprend bien est déjà fort. Le maître d'armes de régiment excelle à vous fatiguer, vous fait faire durant toute l'année en temps décomposé des 1-2, des doubles, et finalement, quand l'élève veut faire le moindre petit assaut, il perd la carte. « Que vais-je faire ?» se dit-il. « Tiens, 1-2. » Il presse et il dégage. L'adversaire prend le contre. Ça ne biche pas. Naturellement, vos mouvements doivent correspondre à la parade. Il est donc essentiel que le professeur le fasse comprendre à l'élève en lui donnant la leçon doucement et contrecarrant par sa parade le mouvement commandé. Ainsi, par exemple, il commande une deux, mais au lieu d'une opposition, il part doucement avec un contre, de façon que l'élève suive attentivement la parade et exécute d'après cela. Maintenant, en tant qu'exécution, on a un principe à Joinville-le-Pont dont on ne veut démordre. Allongez le bras, fendez-vous. De cette façon, il est impossible de tromper les distances, et l'adversaire attentif au mouvement du genou se trouve prévenu constamment. Tandis que les bons maîtres d'armes civiles agissent tout autrement. Le bras ne s'allonge qu'au fur et à mesure, et la fente souvent inutile ne vient que par-dessus le marché. Nous aimons aussi la correction s'il se peut, mais intelligemment nous prétendons qu'il faut faire des armes comme on est bâti. Ainsi, par exemple, ayant le poignet faible et la main délicate, je m'étais habitué à me servir des muscles du bras, toute la force concentrée à la saignée. Étant très large de poitrine et n'ayant fait des armes que très tard, il m'était impossible, à moins d'une gêne extrême, de me tenir réglementairement, couvert presque dans les deux lignes. Aussi, sans aucune gêne, poitrine découverte, je me suis habitué à n'offrir à l'adversaire qu'une seule ligne en prenant l'engagement toujours en tierce. Aujourd'hui, on dit en sixte. Il vaut mieux être correct. Voyez Mérignac, halte-là, tout le monde n'est pas Mérignac. Je me souviens à la salle Hyacinthe à Paris d'un instituteur de première force aux armes. Cet instituteur avait des bras et des jambes surtout très petites. Aussi, il s'était habitué à se servir de ses jambes comme s'il avait eu des roulettes sous la plante des pieds. Il ne se fendait pas, mais par une série de petits pas, soit en arrière, soit en avant, il était hors d'atteinte ou immédiatement sur vous, de la tête, toujours de la tête. Vous avez le poignet fort, fatiguez votre adversaire par des engagements et des pressions solides de force contenue. Mais si vous avez la main faible, qu'elle se dérobe sans résistance, avec agilité, à toutes les pressions. En armes, il n'y a pas de dogme, non plus de bottes secrètes. Durant mon séjour à Pont-Aven, il y avait un maître de port et garde-pêche, breton de l'endroit, marin en retraite, maître d'armes breveté de cette fameuse école de Joinville-le-Pont. D'accord avec lui, nous installâmes une petite salle d'armes, ce qui, malgré le bon marché, lui faisait des petits bénéfices dont il était très satisfait. C'était d'ailleurs un brave garçon, assez bon tireur, mais inintelligent comme tireur et comme professeur. Il n'entendait en rien la science des armes. Tout cela lui était entré par entêtement et force exercice. Dès le premier jour, je vis que ce pauvre garçon avait des jambes très courtes. Aussi, je m'amusais entre-temps, moi qui suis grand et bien jambé, à lui tromper les distances, de sorte que malgré sa finesse de main, il n'arrivait jamais qu'à quelques centimètres du but. Je lui en parlais, et cela parut être de l'hébreu. Le pauvre garçon, heureusement, n'était pas fier, et je devins quelque temps son professeur pour bien des choses. Ainsi, je lui fis donner des leçons en faisant, comme je l'ai dit plus haut, c'est-à-dire en contrecarrant l'élève à la leçon par des parades autres que celles annoncées. Au bout de quelque temps, nous eûmes un excellent professeur et les élèves firent de rapides progrès. Trompez les distances. Il est évident que si vous vous disposez à attaquer, il faut, sans qu'on s'en aperçoive, par des allongements de bras et un certain piétinement, être le plus près possible de l'adversaire, les coudes au corps. De cette façon, le bras, en s'allongeant traîtreusement, c'est-à-dire au fur et à mesure de ses mouvements, touche le but sans avoir recours aux jambes. De même, dans le cas contraire, votre bras doit être allongé, vous devez être penché légèrement en avant. De cette façon, vous avez pour vous toute la longueur de bras et une certaine distance que vous gagnez en reprenant la position droite. Avec les maîtres d'armes de l'armée, on ne doit faire assaut que très tard, c'est-à-dire quand l'élève est découragé. Au civil, presque dès le début, le professeur termine la leçon par une leçon d'assaut en faisant certaines invites à la valse, certaines incorrections, tout cela très doucement pour qu'en aucun cas l'élève prenne l'habitude de bafouiller. Comment je vous ai fait une pression et vous n'avez pas dégagé? Comment je vous ai paré avec une opposition et vous avez essayé de doubler? Comment, après avoir doublé mon contre, j'ai essayé de changer de ligne et vous n'avez pas dédoublé, doublé, dédoublé, ainsi de suite. L'élève ainsi intéressé dès le début apprend la science des armes, s'habitue dès le début à appliquer la leçon dans un assaut et fait de très rapides progrès sans pour cela se fatiguer comme un acrobate. Les différents assauts qu'on donne à Paris tous les ans sont la preuve de ce que je viens de dire, car on voit des maîtres d'armes battus par des civils qui ont 10 fois moins d'exercice qu'eux. De la tête, toujours de la tête. Notre excellent professeur de Pont-Aven fut très étonné lorsqu'un beau jour d'automne, il nous arriva dans la salle une paire d'épées, un cadeau d'un élève américain qui avait pas mal de galettes. Là encore, faisant l'assaut avec le professeur, je lui fis voir que c'était un jeu différent. Certainement, il faut toujours étudier à fond les armes avec le fleuret, c'est là la grande base, mais il faut appliquer en duel cette science tout autrement. Il ne s'agit pas en duel de toucher proprement en certains endroits spécifiés. Là, tout compte. Il faut penser que sur le terrain, les coups dangereux sont aussi dangereux pour soi. Un homme qui pare bien et qui riposte savamment est une fine lame. Il n'y a pas de position réglementaire. C'est l'adversaire qui vous indique la position que vous devez avoir. Tout est imprévu, tout est irrégulier. C'est en quelque sorte une partie d'échecs. C'est à celui qui trompera l'autre, se fatiguera le dernier. Méfiez-vous d'avoir les ongles en dessous, car un froissé solide vous désarmera sûrement. Vos allongements de bras doivent être mous et faits dans la ligne de tierce, sinon un liman est à craindre. Le contraire, si vous avez affaire à un gaucher. Étudiez bien votre adversaire, savoir quelles sont les parades favorites, à moins qu'il soit intelligent et joue ce jeu qu'on joue au collège, pair ou impair. Il faut donc avoir des mouvements très irréguliers, inattendus, faire croire à son adversaire tout autre chose que ce que vous voulez. Je pourrais en écrire long sur ce sujet, mais j'espère que le lecteur comprendra suffisamment. En fin de compte, si vous avez affaire à un adversaire beaucoup plus fort que vous, gardez-vous bien et au moindre mouvement en avant de sa part, présentez votre bras contre sa pointe. Vous en êtes quitte pour une blessure sans conséquence et l'honneur est satisfait. Par contre, si vous avez devant vous quelqu'un qui n'a jamais fait d'armes, prenez garde, il est dangereux. Il ne se sert d'une épée que comme d'un bâton, en travers, allant de haut en bas. N'hésitez pas, faites de la contrepointe et un coup de tête ou coup de figure vous arrange convenablement l'individu. J'ai rencontré en ma vie bien des vantards, surtout en voyage et aux colonies. Avec cela, il suffit de causer quelques instants pour savoir à quoi s'en tenir. Ainsi, un petit procureur que je vous ai déjà présenté me dit un jour qu'il était terrible, ayant 15 ans de salle d'armes. Lui, un mal bâti dont on ne saurait préciser le sexe et la nature. Je profitais d'un jour où j'étais avec lui à déjeuner sur une goélette de guerre pour remettre la conversation sur ce sujet, et je lui dis « Je n'ai pas 15 ans de salle d'armes, et cependant je vous fais un pari de 100 francs, et je vous en rends 8/10 ». Naturellement, il ne tint pas le pari. Au régiment, à la salle d'armes, les officiers n'y viennent pas. Ils préfèrent aller au cercle, jouer à la manille. Quant aux soldats, ennui de part et d'autre, eux et le professeur. Quelques-uns montrent des dispositions, on les nomme prévôts. Toujours avec l'enseignement militaire, c'est-à-dire le corps sans la tête. J'ai eu souvent l'occasion de tirer avec ces prévôts, tous des mazettes et inintelligents. Au collège, c'est presque la même chose, il faut un peu d'armes pour rentrer à Saint-Cyr. et le professeur cherche à gagner son argent en douceur. Je me souviens de ce temps. Nous avions pour maître le fameux grisier qui envoyait son prévôt. Je ne me souviens pas de son nom. Il doit encore exister, ayant une salle d'armes à Paris. Ce prévôt était célèbre par ses coupés. Le père grisier venait quelquefois, engageait le fleuret de la main droite et, avec la main gauche, nous donnait une légère tape sur la joue. J'en ai reçu. C'était d'ailleurs un honneur qu'il nous faisait, appelant cela la botte grisier. Il avait été maître d'armes de l'empereur de Russie. Assez causé d'armes, et qu'on m'excuse, c'est ce fameux gendarme qui sort de Joinville-le-Pont. Mais je ne vous lâche pas pour cela, car je vais de ce pas vous ennuyer avec une petite leçon de boxe, là encore histoire de me vanter. Mes premières leçons de boxe ne sont pas de première jeunesse. Mon professeur fut un amateur, un peintre qui se nommait Bouffard à Pont-Aven. Quoique amateur, il était passablement fort. J'ai continué depuis, et cela m'a servi quelquefois, quand cela ne serait que pour se donner de l'assurance. Mais il s'agit de boxe anglaise, tandis qu'à Joinville-le-Pont, on fait ce que l'on appelle de la boxe française, ou pour mieux dire de la savate. Étant marin, j'avais fait de la savate, mais histoire de rire. Charles Monfils, aujourd'hui le grand champion de la boxe française, a composé une vraie boxe, et non exclusivement la savate. Bien loin de cela, l'école de Joinville-le-Pont. En tant qu'imparfaitement, l'école anglaise est meilleure. La boxe de Joinville-le-Pont n'a de valeur que pour un homme très agile, acrobate et très exercé, de première force. Sinon, elle est un vrai danger qui vous met vite à la merci d'un boxeur très médiocre de la boxe anglaise. Voilà toute ma leçon de boxe qui consiste à vous mettre en garde contre l'école de Joinville, et s'il vous prend fantaisie de vous y adonner, ayez des jambes agiles, pratiquez tous les jours, quittez toute lecture et devenez une brute. Autrefois, la chanson était toujours un souvenir d'enfance. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau. Aujourd'hui, les bateaux vont sous l'eau. Que devient la chanson? Les vieux ronchonnent et disent « de notre temps ». Mais à la mer, les gros poissons mangent les petits. Ici, ce n'est pas le cas, puisque les petits bateaux, ils mangent les gros. Et je me plais à voir la tête d'un gros Anglais de quelques tonnes, littéralement transformé en chair à saucisse. Charcuterie à la dynamite. Donner, ce n'est pas savoir donner. Pour savoir donner, il faut savoir recevoir. On dit qu'il faut savoir obéir pour savoir commander. Ce n'est pas très exact. Voyez les rois, voyez aussi les gendarmes. Plats comme des valets, ils savent obéir. Savent-ils commander? Grand Dieu, non. Et pourtant, ils aiment commander. Ils appellent cela se rattraper ou se venger. C'est moi le chef. Et la femme dit, je suis la maréchale, maréchale tout court, au logis. Chez moi, je suis en chemise. Dans mon atelier, je suis en blouse. Le soir, dans le monde, je suis en habit. Dans la rue, j'entends une dispute. J'approche et j'écoute. Un maigre vieillard, sa fille desséchée, une grosse femme avec des tétons, des mamelons, des monstres, avec éloquence, cette éloquence du peuple naturel, s'écriait « Oui, monsieur, je ne connais pas d'expression assez vile pour exprimer ma pensée. Quant à vous, mademoiselle, je vous dis merde. » Une cuvette, de l'eau, un peu de savon, et tout est nettoyé. Et ses mains tapaient sur les mamelons caoutchoutés, son ventre mamelonnait. Je m'en souviens, et ma foi, pardonnez-moi, je ris. Dans cette impasse un peu court des miracles, l'impasse frémin donnant sur la rue des fourneaux. 5 heures du matin, je ne dors pas, et j'entends la mère Fourelle, la femme du charretier, qui s'écrie « Au secours, mon mari s'est pendu !» Je saute du lit, j'enfile un pantalon, les mœurs. Je prends en bas un couteau et je coupe la ficelle. Le pendu était mort, tout chaud, tout bouillant. Je voulus le faire porter sur un lit. Halte là, il faut attendre la justice. De l'autre bord, ma maison surplombe de 15 mètres un terrain de maraîcher. Je crie au maraîcher. Avez-vous un melon cantaloup? Justement, en voilà un de mûr, et à mon déjeuner, je mange mon cantaloup sans songer au pendu. Comme on le voit, dans la vie, il y a du bon. À côté du poison, il y a du contrepoison. Et le soir, dans le monde en habit, croyant émotionné, je raconte l'histoire. Et tout le monde, en souriant, sans émotion, me demande quelques morceaux de la corde de pendu. Une histoire en amène une autre. Je me souviens qu'une fois, un soir, j'avais un peu bu et, à minuit, je rentrais dans une rue du Havre. J'étais marin de commerce à cette époque. Je faillis me casser le nez contre un volet qui, entr'ouvert, débordait. Cochon, m'écriai-je, et je tapai sur le volet qui ne voulut pas se refermer. Je te crois, il y avait là un pendu qui ne voulait pas. Cette fois, je ne dépendis pas, continuant mon chemin, j'avais un peu trop bu, me disant sans cesse à haute voix. Le cochon, c'est se foutre des passants, il y a de quoi vous casser la figure. Heureux ceux qui sont toujours comme il faut. J'ai connu à Tahiti un brave garçon, très naïf, domestique chez un riche colon. Il voulait à toute force coucher avec la fille du patron, et pour ce, tous les jours la famille buvait du lait spermatisé. Il ne réussit pas, je crois, car ce fut le patron qui voulut faire des caresses. Horreur, cela donne beaucoup à penser. Défiez-vous des on-dit. Les histoires en Océanie sont nombreuses et intéressantes. En voici une qui n'est pas mienne et tant d'autres, mais que je garantis. À mon premier voyage de pilotin sur le Lusitano, voyage à Rio de Janeiro, j'avais comme apprentissage à faire la nuit le quart avec le lieutenant. Il me raconta. Il était mousse sur un petit navire qui faisait de très longs voyages en Océanie, chargements et pacotilles de toutes sortes. Un beau matin, au lavage du pont, il se laissa tomber à l'eau sans qu'on s'en aperçût. Il ne lâcha pas son balai, et grâce à son balai, l'enfant resta 48 heures sur l'océan. Par extraordinaire, un navire vint à passer et le sauva. Puis, quelque temps après, ce navire ayant atterri dans une petite île hospitalière, notre mousse s'en alla se promener un peu trop longtemps. Il resta pour compte. Notre petit mousse plut à tout le monde, et le voilà installé à ne rien faire, forcé de perdre sur-le-champ son pucelage, nourri, logé, choyé et chatouillé de toute façon. Il était très heureux. Cela dura 2 ans, mais un beau matin, un autre navire vint à passer, et notre jeune homme voulut rentrer en France. Mon Dieu, que j'ai été bête, me disait-il, me voilà obligé de bourlinguer, j'étais si heureux. Chez les sauvages, il y a du bon, mais voilà le mal du pays. Si vieillesse pouvait, ça ne compte pas. Si jeunesse savait, voilà qui compte. Je n'ai jamais si bien fait que quand je voulais mal faire. Tout ceci dit et écrit pour les gens qui n'ont pas de morale. Je fus amené un jour dans une famille honnête. Ma sœur était avec moi, où l'on ne parlait que des vertus familiales et surtout des devoirs en ménage. Ce fut pour moi un trait de lumière et je vis, sans me tromper, que j'étais dans une boîte à mariage, rien de terrible comme la vertu. Une veuve promène ses 3 filles. Voyez la mère, vous saurez ce que deviendront les filles, et ce n'est pas engageant. Aujourd'hui, un père doit dire à son futur gendre D. Avez-vous eu la vérole? R. Non. D. Très bien, mais vous n'aurez pas ma fille, car vous êtes sujet à être malade et à pourrir ma fille. Il y a de ces nécessités qu'il faut avaler. Avaler est dur, mettons se résigner. Les hommes vieux n'ont pas de dents. Les vieux loups en ont de fameuses. Une femme ne devient vraiment bonne que quand elle devient grand-mère. En Océanie, je ne dis pas cela pour vous, mesdames de la métropole, sinon de conviction par politesse. Turlututu, mon chapeau pointu. Et lui de me dire, tout homme doit servir sa patrie. Et vous, pourquoi n'avez-vous pas servi? Moi, c'est autre chose. Je suis exempt, étant des colonies. Patriotisme. Bon. Voilà mon esprit qui voyage. Nous ne sommes plus en Océanie, mais en Afrique, ce bon continent que tout le monde veut se partager, ou plutôt se disputer, si propice aux héros aventuriers comme marchands. Ce pays où, sous prétexte de civiliser, on égorge. Ennuyé de tirer sur les lapins, on tire sur la chair noire. Les Boers tirèrent sur la chair noire, disant: ôte-toi de là, que je m'y mette. Mon Dieu, les Anglais ne firent pas pire. Un jeu sur le sentiment. On vendait des esclaves. Aujourd'hui, c'est défendu. Non, c'est que je tousse. Allez-y voir. Or donc, en Afrique, maints manuscrits arabes nous renseignent. On me l'a dit, et je l'ai cru. J'ai donc prêté toute oreille. Faites comme moi, si vous voulez savoir ce qui s'y dit. Au désert, tout n'est pas sable, par-ci par-là, riant paysage, à tel point qu'il y a des girofles le nez en l'air. C'était donc un jour, que le manuscrit arabe ne nous indique pas, un lion et un âne se rencontrèrent. Mes compliments d'abord, s'écria maître Ali Boron, et notre orgueilleux roi du désert de répondre: je les tiens pour bons. Le lion n'aime pas beaucoup l'eau, et arrivé près d'une rivière, il dit à l'âne: es-tu assez fort pour me porter sur ton dos, traverser la rivière, ce qui m'évitera une bronchite assurément? Notre âne, heureux de plaire à un aussi dangereux compagnon, se mit avec complaisance à sa disposition, lorsque, tout à coup, il se sentit les fesses labourées méchamment. Il hyanna, s'écriant: mon Dieu, qu'est que c'est que ça? Oh, rien, s'écria le lion, c'est ma griffe. Plus loin, arrivé contre un monticule, notre âne avisa son roi du désert: es-tu capable, avec moi sur ton dos, de monter en courant sur ce monticule? Sobre de paroles, le manuscrit nous dit seulement que le lion exécuta facilement la besogne, lorsque, tout à coup, le lion sentit un extraordinaire instrument, une arme naturelle, sans doute un pal qui lui perforait cruellement l'intestin. Cette fois, ce fut un rugissement. Mon Dieu, qu'est que c'est que ça? Et notre Baudet, avec cet air jovial et fumiste, particulier à sa race, de dire: oh, c'est rien, c'est ma griffe. Il y a deux genres de griffes, et n'est pas la plus terrible celle qu'on pense. Ne pas confondre avec le coup de pied de l'âne. La philosophie arabe est tout autre. Mordiou, cap de Diou, une main tirait la moustache, l'autre sur la garde de l'épée. Aujourd'hui, de quoi est... Et on se crache dans les mains. On dit évoluer. J'ai un Mardi Gras en Espagne par Goya. J'ai copié, mais j'ai changé, mettant les gens en habit et le chapeau tuyau. C'était moins bien, mais plus mascarade. Devant moi, un vieux bambou. Il est gravé par un sauvage. C'est une figure de géométrie, le carré de l'hypoténuse, une géométrie naufragée sans doute, et cela m'intéresse. J'aurais voulu savoir ce qui s'est passé dans le cerveau de cet indigène artiste, mais l'artiste est mort. J'ai aussi un livre de voyage avec force illustration. L'Inde et la Chine, les Philippines, Tahiti, etc. Toutes les figures copiées avec soin, avec idée de portrait, ressemblent à Minerve ou à Pallas. C'est beau l'école. Jean Dolan, dans son livre Les Monstres, fait dire à sa cuisinière: avec un gigot, on ne met pas de navet, et il ajoute: le conservatoire. Si vous avez des enfants qui ne sont bons à rien, mettez-les ronds de cuir. C'est encore le meilleur moyen de devenir quelque chose. Ici, un fonctionnaire me dit: est-ce que vous connaissez Huysmans? Il paraît que c'est un grand littérateur. Il vient d'être décoré. Oui, mais Huysmans a été décoré comme employé de ministère. Et notre fonctionnaire réjoui me dit: c'est donc ça que je ne le connaissais pas. La vraie gloire, c'est d'être connu par les conducteurs d'omnibus. Le père Corot à Ville d'Avray. Eh bien, père Mathieu, ça te plaît-il, ce tableau? Oh, que oui! Les rochers y sont bien ressemblants. Les rochers étaient des vaches. In populo veritas. Au restaurant, de très grands peintres discutent, et ça n'en finit pas. Et l'on demande à Degas son avis. Tout ça, dit-il, c'est une affaire de Simèse. Jérôme me dit: Voyez-vous la grande affaire en sculpture, c'est de bien calculer son armature. Qu'en dis-tu, Rodin? Ce qui est remarquable dans la grande révolution, c'est que les meneurs ont été des menés. Un troupeau qui emmène un autre, tout commence bien pour finir mal. Marat me paraît être le seul qui ait su ce qu'il voulait. Naturellement, il devait être tué par une femme. Le grain de sable qui arrête la machine, la fatalité serait-elle par hasard consciente? Oh, alors le mot ne se comprend pas, ou plutôt je ne le comprends pas. J'ai été élevé par des gens qui considéraient l'histoire comme un sage enseignement. Renseignement peut-être, car je n'ai jamais vu aucun résultat qui concorde. J'espère bien que si demain nous avions la guerre avec l'Angleterre, nous ne nous laisserions pas mener par une vraie pucelle d'Orléans. J'estime que les historiens sont de braves gens, mais qu'ils doivent être embarrassés pour agir s'il faut choisir dans le tas. Quant à moi, si je consultais l'histoire, il me semble que je ne ferais que des bêtises. Il est vrai qu'en politique, je suis comme presque tous les artistes, je n'y comprends rien. Ainsi, depuis quelque temps, je vois que toutes les nations s'embrassent à qui mieux. Je bois à la santé les rois, les empereurs, les présidents de la République, et comme un serin, je me dis, ça sent mauvais. Dans un salon presque un cornichon, le monsieur qui lit tous les bulletins politiques, l'esprit des autres, pérore gravement. Quand il prononce la triple alliance, son poing serré, symbole de puissance, se met en évidence. Dans un coin, un épaté quelconque demande à son voisin, « Quel est donc ce monsieur ?»« C'est un attaché d'ambassade, un garçon qui ira loin. Voulez-vous être sérieux ? Parler politique de la triple alliance, si bien conclue, que depuis 30 ans, elle est toujours à refaire. » « Maman, les petits bateaux qui vont sous l'eau ont-ils des jambes ?»« Petit bêta, s'ils en avaient, ils marcheraient sur l'eau. » Zola avait ses haines. Sans être comme lui un grand homme, on peut, il me semble, avoir aussi ses haines. Je suis de ceux-là. Je hais profondément le Danemark, son climat, ses habitants. « Oh, il y en a en Danemark du bon, c'est incontestable !» Ainsi, depuis 25 ans, tandis que la Norvège et la Suède ont envahi les salons de peinture en France pour plagier dans tous les sentiers qui sentent mauvais mais ont de belles apparences, le Danemark, honteux de son échec à l'exposition universelle de 1878, se mit à réfléchir, à se concentrer en lui-même. De là est sorti un art danois très personnel et auquel il faudra faire sérieusement attention. Et je suis heureux ici d'en faire les éloges. Il est bon de regarder l'art français, et même celui de tous les autres pays, mais uniquement pour être plus à même de regarder en soi. On me fit autrefois, à Copenhague, une singulière niche. Moi, qui ne demandais rien, je fus vivement engagé et invité par un monsieur au nom d'un cercle d'art à exposer mes œuvres dans une salle ad hoc. Je me laissais faire. Le jour de l'ouverture, je me disposais l'après-midi seulement à aller jeter un coup d'œil, et quel fut mon étonnement lorsqu'arrivé on me dit que l'exposition avait été fermée d'office à midi. Inutile de chercher un renseignement quelconque, de toutes parts bouche close. Je ne fis qu'un saut chez le monsieur important qui m'avait invité. Le monsieur était, dit le domestique, parti pour la campagne et ne rentrerait pas de sitôt. Comme on le voit, le Danemark est un charmant pays. Il faut reconnaître aussi qu'en Danemark, on sacrifie beaucoup à l'éducation, aux sciences et tout particulièrement à la médecine. L'hôpital de Copenhague peut être considéré comme un des plus beaux établissements de ce genre, par son importance et surtout par sa tenue intérieure qui est de premier ordre. Rendons-leur cet hommage, d'autant plus qu'après je ne vois plus rien que de néfaste. Pardon, j'oubliais encore ceci, c'est que les maisons sont admirablement construites et installées, soit pour le froid, soit pour l'aération en été, et que la ville est jolie. Il faut dire aussi que les réceptions en Danemark sont en général dans la salle à manger où l'on mange admirablement. C'est toujours ça et ça fait passer le temps. Par exemple, ne vous laissez pas trop ennuyer par ce genre uniforme de conversation. Vous, un grand pays, vous devez nous trouver bien en retard. Nous sommes si petits. Comment trouvez-vous Copenhague, notre musée, etc. C'est bien peu de choses. Tout cela dit pour que vous disiez juste le contraire. Et vous le dites assurément par politesse. Les usages. Le musée, parlons-en. À vrai dire, il n'y a pas de collection de peintures, sinon quelques tableaux de la vieille école danoise, des maçonniers paysagistes et faiseurs de petits bateaux. Espérons que cela a changé aujourd'hui. Il y a un monument construit exprès pour leur grand sculpteur Thorvaldsen, un Danois qui a vécu et est mort en Italie. J'ai vu cela, très bien vu, et ma tête a bourdonné. La mythologie grecque devenue scandinave, puis avec un autre lavage devenue protestante. Les Vénus baissent leurs yeux et pudiquement se drapent dans le linge mouillé. Les nymphes qui dansent la gigue. Oui, messieurs, elles dansent la gigue. Voyez leurs pieds. On dit en Europe le grand Thorvaldsen, mais on ne l'a pas vu. Son fameux lion, le seul visible pour les voyageurs en Suisse, un dogue danois empaillé. Disant cela, je sais qu'en Danemark, on va brûler du sucre dans tous les coins pour m'apprendre à en casser sur le dos du plus grand sculpteur danois. Beaucoup d'autres choses me font haïr le Danemark, mais ce sont des raisons particulières qu'il faut garder pour soi. Laissez-moi vous introduire dans un salon comme on en voit aujourd'hui rarement, le salon d'un comte de très grande noblesse danoise. Le vaste salon est carré, deux énormes panneaux de tapisserie allemande, exécutés spécialement pour la famille, merveilleuse autant que vous puissiez l'imaginer. Deux dessus deux portes, vues de Venise par Turner. Le mobilier en bois, sculpté avec les armes de la famille, table de marqueterie, étoffe du temps, le tout une merveille d'art. Vous êtes introduit et l'on vous reçoit. Vous vous asseyez sur un pouf forme colimaçon en velours rouge et sur la table merveilleuse, un dessus de quelques francs venant du bon marché. Album de photographie et vase de fleurs du même genre. Vandale. À côté du salon, une très jolie salle de musée, la collection des tableaux, le portrait de l'aïeul par Rembrandt, etc. Ça sent le moisi, personne n'y va. La famille préfère le temple où on lit la Bible et où tout vous pétrifie. Je reconnais qu'en Danemark, le système des fiançailles a du bon, en ce sens que ça n'engage à rien. On change de fiancée comme de chemise, puis cela a toutes les apparences de l'amour, de la liberté et de la morale. Vous êtes fiancé, allez vous promener, en voyage même. Le manteau des fiançailles est là, qui couvre tout. On joue avec le tout, mais pas ça. Ce qui a l'avantage des deux parts d'apprendre à ne pas s'oublier et faire des bêtises. L'oiseau à chaque fiançaille perd un tas de petites plumes qui repoussent sans qu'on s'en aperçoive. Très pratique les Danois, goûtez-y, mais ne vous emballez pas. Vous pourriez vous en repentir et souvenez-vous que la Danoise est une femme pratique par excellence. Comprenez donc, c'est un petit pays, il faut qu'il soit prudent. Jusqu'aux enfants à qui on apprend à dire « Papa, il faut de la galette, sinon mon pauvre père, tu peux te fouiller. » J'en ai connu. Je hais les Danois. Leur littérature, on dit qu'elle est bien, je ne la connais pas. Je me souviens pourtant d'avoir vu jouer une pièce de Brandes. Mais non, mais si, je n'en suis pas sûr. Il s'agissait d'un homme qui, en voyage à l'hôtel, avait profité d'un de ces moments si dangereux pour une femme. Il la retrouve plus tard, tranquille, près de son mari. L'homme menace, sinon rupture du silence, et la femme se résigne. Comme on voit, c'est touchant et toujours nouveau. J'ai vu jouer aussi Othello. Le grand tragédien en tournée, Rossi, jouait Othello en italien. La répartie ou contrepartie était en danois. Iago, le traître, était souple comme la barre de la justice, et Desdemona, malgré tous ses efforts pour simuler une chaude espagnole, n'arrivait qu'à zéro de chaleur, glace fondante. J'ai vu jouer aussi Pobouille de Zola. Là, les acteurs étaient dans leur élément. La lavure de vaisselle, la crasson bourgeoisie, les josserands étaient parfaits. Trublot un peu moins. À part cela, les Danoises dansent très bien. Faut croire que tout leur esprit est par là. Ne jugez pas les Danois à Paris, mais chez eux. Chez nous, ils sont doux comme sucre. Chez eux, du vrai vinaigre. Ce peuple a de très curieuses pudibonderies. Ainsi, dans le Sund, les propriétés sont voisines et chacun a sa cabine pour s'habiller ou se déshabiller au bain de mer. La route surplombe. Les femmes se baignent à part et les hommes aussi, mais à leurs heures. On se baigne nu et il est de règle que le passant sur la route ne doit rien voir. J'avoue que de ma nature très curieuse, j'allais contre la règle un jour où la femme d'un ministre marchait dans la mer s'en allant en pente douce. J'avoue aussi que ce corps tout blanc, nu jusqu'à mi-mollet, faisait assez bon effet. La petite fille suivait et se retournant m'aperçut. « Maman !» La maman se retourna effrayée, reprenant le chemin de la cabine, me montrant ainsi tout le devant après m'avoir montré l'arrière. J'avoue encore que le devant faisait à distance assez bon effet. Ce fut un scandale. Comment avoir regardé? Au bain de mer, en France, une Danoise, après s'être revêtue d'un costume de bain, selon nos usages, sortie de la cabine, hésitait, pudibonde danoise, à aller se baigner avec tout le monde, hommes et femmes. Et la garde-cabine, interrogée, répondit « Madame ne voit donc pas la mer ?» De même, le maître baigneur s'écrie « En voilà encore une qui me tend les fesses et qui, dans le monde, ne me donnerait pas la main. » Encore une drôle de pudibonde, cette jeune Danoise, dans un atelier libre de sculpture, que je vis avec un énorme compas, prenant avec précaution la distance du machin à la cheville du modèle. Le modèle très froid fut convenable. Cette jeune Danoise prenait ses repas à la crèmerie d'en face sans jamais quitter ses gants. Une portion, 40 centimes, 2 sous de pain. Comme on le voit, la sagesse même, l'économie et l'élégance, et par-dessus tout, elle ne se trompait pas d'un centimètre du machin à la cheville. Elle voulait faire juste. C'est la probité de l'art. Elles finissent toutes par avoir une médaille au salon.